Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Des ciseaux de la radio campus de Trois-Rivières. Ça les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 3 au 9 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hey ho, Stéphanie Paradis. Oh hey, Mathieu Plante. Hey ho. Mathieu Planteau. Hey, je me demande, à chaque fois que je le dis, c'est les Palmarès C'est fou. Oui. Je me demande, est-ce que je devrais dire ce sont les Palmarès C'est fou? Je me suis déjà posé la question. Mais ça me surprend pas, c'est ton genre de taponique des détails de même. Ouais, en effet, je me suis dit, ça sonne mal et. Ça fit comme drôlement pas du tout. En fait, je pense que on dit c'est les Palmarès C'est fou parce qu'on prend les Palmarès C'est fou comme étant une entité, un ensemble. Qui est l'émission. C'est exactement ça. C'est un titre. T'sais. Donc tu vois ça de la même façon que moi. Moi, c'est comme ça que je l'ai excusé le c'est fait parfait. De dire c'est les Palmarès. Merci. Donc bienvenue à cette émission qui porte le nom de les Palmarès C'est fou. T'sais. Oui, mais c'est une seule entité. Une seule entité. Si tu veux comprimer de lait, tu dis des. C'est ça. Ça, c'est correct? Oui. Donc, aujourd'hui, à notre émission, on va avoir, d'ici la fin de l'émission, la preuve mathématique de à savoir au sujet de à propos. Est-ce que nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone? Je l'ai cherché longtemps, fait que ça vous donne peut-être un petit indice. Cowpuncher, Bridesmaids. Et trouver francophone, est-ce que c'est tes yeux de monogrenade? Bah. Si tu veux te savoir mon truc? Quoi non? Je l'encercle avant l'émission. Hey, travailler avant l'émission? Non, moi, je fais ça pendant l'émission, les palmarès. Je prépare à l'avance assemblage requis, les palmarès c'est fou, je le botche, mais live. Ah! Oh. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, tu dis ça de même, là, c'est comme une révélation choc quasi insultante. Si tu savais comment je passe du temps et de l'émotion et la sueur de mon front à faire des petits montages d'instants classiques et tout, parlons-en justement de ce qui s'en vient dans l'émission d'aujourd'hui. On va avoir en première heure Palmer Rest in Peace, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Ben oui. En deuxième heure, un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis ainsi que C'était fou, le bloc où on retourne en arrière. Et en troisième heure, c'est ailleurs dans les palmarès. Avançons de quelques nouvelles entrées, 6 en tout. David Marais, Radio, Pépé, sa guitare, Yamantaka, Sonic Titan et moderne. Mais on commence bien entendu avec la 20e place francophone et c'est le Roi Soleil de Mordicus. Au palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Un million de questions restent sans réponse. Personnel. Alors je crois en moi et peut-être en toi. J'aimerais savoir qui contrôle le temps. Vivre selon un plan peut être assurant. Légère anarchie, l'horloge était construite pour savoir. Je regarde le ciel. fait l'entrée. She Untamed, de nouvelle entrée en 20e place anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était le Roi Soleil de Mordicus, tiré de l'album Cri Primal. Ça commence vraiment bien, j'aime les deux nouvelles entrées, on va les réentendre, c'est sûr. Coup de cœur pour l'instant, je crois, pour Mode Moderne, n'est-ce oui, pas? Oui, ça sonne années 80, je sais pas trop quoi, on aime ça. C'est cool. En fait, on sait pas trop quelle année, là. Je m'avancerai pas là-dessus personnellement, parce que je suis très anachronique, je crois, dans oui, la vie. C'est vrai. Ouais. C'est vrai? Ah, oui. Tu confirmes que je suis anachronique? Ben, tu fais pas avec l'année, non? T'as l'air jeune, ça, je voulais dire. T'as l'air jeune. Hein? Ton âge. Hein? Merci. C'est pour ça que je me fais carter constamment. Et voilà. Wow. 19e place en anglophone, c'est une formation, un rassemblement qui s'appelle Yamantaka, Barbie Sonic Titan, avec une pièce de l'album Ouzou qui s'appelle Whale Song. Et de côté francophone, ben, écoute, inquiète-toi pas, Mathieu, ça ne s'adresse pas à toi, mais ça pue de Pépé sa guitare. Ouais, je pense que la chanson, elle, s'adresse pas à toi parce que tu n'aimes pas bien. Comment? La chanson, ça pue. Moi? Tu n'aimes pas bien. OK, non. Okay. Une fois que t'as compris, c'est vrai, non. Non, c'est vrai, non, j'approuve que non. Ce n'est pas mal assez fou. Ou que oui. Que oui, ce n'est pas mal assez fou. Négation, c'est... Okay. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue quand tu parles. T'as beau te brosser les dents, t'as beau te passer la soie, c'est dans ta voix. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Tu prends de la place, personne t'écoute, même quand tu parles trop fort. C'est qu'ils osent pas te dire de te la farmer, mais moi j'fais un effort. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles.

Yamantaka, Sonic Titan et Wellsong, la dernière nouvelle entrée du côté anglophone en 19e place. Alors que du côté francophone, c'était Pépé et sa guitare et son succès, ça pue. Succès pas dans ton estime, mais en ce moment, dans les palmarès, ça monte sans cesse. Même si ça monte sans cesse, une nouvelle entrée en 19e. Mais j'ai commencé à l'entendre jouer, tu sais, fait qu'à un moment donné, ça va, dans le prochain palmarès, ça va monter pas mal, je pense. OK, OK. C'est assez ma prédiction, c'est comme ma projection. C'est là. Un pool. Un pool. C'est qui? Ouais, non. C'est l'imitation d'une poule. On saute par-dessus du côté anglophone, par-dessus quelques pièces, parce qu'il nous reste encore des nouvelles entrées. Donc, on va y aller en francophone tout d'un coup pendant ce bloc-là. Plus tard, il y aura David Marin avec À l'abri du tempo en 17e place. Mais on commence bien sûr en 18e avec Ashfield Zoo de Radio Radio. Et encore une fois, il n'y a pas de poule dans les zoos. Non, de vrai. C'est beau une poule. Yeah, come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je suis zoo. Ah. Come on, je suis zoo. Ah. Ah. Le chihuahua, un panda, iguana. Crossbreed comme un toro in heat. Il faut que tu beats sur la sulamite. Cheap, cheap, viande, ça c'est cheap. So hot dog, ton hamburger, il faut la mille viande. Là c'est zoo, un bourre gourou. Combinez-vous, ça qui veut l'avoir, on veut l'avoir. So malade dans des cages, j'ai des malades dans des cages. Ouvre la porte, il faut que tu sortes, lush soul. Lush soul, lush soul. Comme un minotaur, pointeau, du mado. Comme un pourri-cat, il paraît sur Kitchen Flow. Never mind, j'ai cool cat, qui se promène dans l'alleyway. Comme un young buck, what the fuck, j'suis zoo, j'suis zoo. Et ouais, toute la bad rap pour les animaux, pour les animaux, pour les animaux partout. Je file zoo, vis du sol, je file zoo, dibbedabedou. Je file zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je file zoo, come on, je file zoo, yeah. Come on, je file zoo comme un animal, c'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je file zoo, come on. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, j'ai un haras salé. Qui veut pour mener en plein boucané, en plein mi dans l'été. Hey, avoir des cages pour nous sortir ou des cages. Ça qu'il fallait à la banque, c'est qu'à ma face, ça c'est zoo. Class trip pour le zoo, ma sauce c'est zoo. Comme un couche, carré, une plate comme un hibou. Quand je me réveille trop tôt, je vois comme un corbeau. La voix pour la croire, nos os sur la main. Faut pas se faire avec un fur coat de baby fuck. J'aime bien des pires, but je suis con des pires, pires. Je veux des bottes, faire des tirs avec la graisse de baleine. J'aime bien des pires, but je suis con des pires, pires. Je veux des bottes, faire des tirs avec la graisse de baleine. Come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je suis zoo. Come on, it's feel zoo. Yeah, come on, it's feel zoo. Come on, animal. C'est pas mal cannibal. Freak, come on, animal. Come on, it's feel zoo. Come on, it's feel zoo. Yeah. Louis, Louis, that dog. Mickey, Mickey, Mock, Mock. Off a bit of machine on you, machine on you. Come on, come on, come on. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je suis zoo. Come on, je suis zoo. Yeah. Come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on. Nouvelle entrée. Je porte la chemise d'une entreprise qui prend le monde pour une valise. L'économie qui sodomise et dévalise le monde à journée longue. Je place du stock sur des tablettes. Ben en lignée devant l'étiquette. Je roule trop vite pour la planète qui est plus carré que rond la journée longue. Et quand tombe la nuit, je reviens à l'abri. À l'abri du tempo. David Marin est à l'abri du tempo en position numéro 17 francophone. Et tout juste avant, en 18e francophone, c'était Hushfield Zoo de Radio Radio. Et c'est ce qui termine nos nouvelles entrées. Il y en a 6 en tout. Oui, c'est la première surprise, mais je l'ai déjà entendu une fois. Ben oui, moi aussi. Mais à chaque fois, je suis comme, voyons, ce qu'il me fait avec sa finale à retardement. Que c'est ça? Que c'est ça? WTF. Ouais, comme dans... en français, ça voudrait dire quoi, ça, mettons, WTF? Watatatao, c'était très le fun comme émission, genre. What a fun thing to do! Comme ce qui est le fun aussi, c'est dire au revoir aux pièces qui nous quittent, malheureusement. Ben, Palma, rest in peace. Ouais. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Du bout des doigts jusqu'au tréfonds de mes os, la vie à deux était une thermopompe qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais. Le voyage ne fait que commencer. Allez nomade, avancez. C'est la caravane, un goût de printemps dans la bouche. C'est la caravane, l'amour est à vos trousses. C'est la caravane, ressentez le rythme manouche. C'est la caravane, souriez, la vie est douce. Et si la route est longue, j'ouvre mes micros, parle souvent à travers mes chapeaux. Ma grande gueule ouverte, je lève les couverts, franc parler, musique, country. Les mains t'apportent la fine pointe. Le bonheur est là, l'antenne est longue. Le morning man a vu son ombre. But everybody's bones are just whole. Les pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 27 janvier au 2 février 2014. On a donc dit au revoir à Mimi Vanderglo et sa pièce Plus je crie qui est restée pendant 8 semaines. Ensuite, Brady Cardi et la caravane qui a duré seulement 5 semaines. Ensuite, O-Tech avec Ligne ouverte qui est restée aussi un court 6 semaines. Puis les frères Goyette avec Morning Man, regretté parce que je me suis habitué à cette pièce-là. J'ai commencé à la tolérer avec le temps 7 semaines. C'est pas du sarcasme? Non, j'aimais les paroles, j'aimais le discours de la chanson. J'aime pas tellement le style musical des Frères Goyette. Mais... Ah ben, coudon, on lira ses chansons la prochaine fois. Ouais. Ensuite, on a dit au revoir à Radical Face et Holly Branches, qui restaient 8 semaines. Et on a terminé avec ta pièce préférée de jusqu'à maintenant l'année, au moins. Hein? Au moins. Jobin avec Soweto, qui a duré 8 semaines. Oh, c'est fini. Difficile, un coup dur. Ouais, mm-hmm. Un deuil. Mais bon, peut-être qu'on aura d'autres Jobin un jour dans les palmarès. Peut-être pourrais-tu écouter l'album et on suggère, et dire. Ah ben je pourrais. D'accord. Mais là tu vois, tu sais, je me suis habillée en noir par souci de... De deuil. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà pour Palmarès in Peace. On fait ça à chaque fois qu'on dit au revoir à des pièces, c'est-à-dire à pas mal toutes les semaines des Palmarès in Peace. Ça j'allais dire, tout le temps. Je sais pas si c'est déjà arrivé une semaine où il y avait comme aucune nouvelle entrée. Ben là c'est plat. Non. Cette semaine-là, on fera pas d'émission, tout simplement. On laisse faire, c'est sérieux, là. Mets ça plus tard. Donc voilà, on retourne aux palmarès normaux, c'est-à-dire ce qui n'est pas nouvelles entrées. On saute par-dessus deux pièces en anglophone. La 18e est occupée par The Darcys et Muzzle Blast qui descendent de 10 places. Et on saute aussi par-dessus la 17e anglo, I Had Me a Girl de Civil Wars. On passe directement en 16e. En anglo, c'est Dear Criminals et Lover Suicide qui est stable. Mais on commence du côté francophone. Ça monte de deux. C'est La couleur des jours d'Audrey Emery. Au palmarès, c'est fou. Oh. Dans vos oreilles. Oh oui. Et tu veux le savoir. till I'm gone. Lover Suicide, Dear Criminals, stable en 16e place anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Audrey Emery et sa pièce La couleur des jours. Ouais, ouais, ouais. Alors, on est rendu au 15e place. Plus tard à l'émission, vous savez, un instant classique s'en vient, pas besoin de vous le dire. On sait aussi que C'était fou s'en vient ailleurs dans les palmarès. Donc, beau petit planning pour vous. Hein? Oui, le même que d'habitude. À peu près, dans le même ordre même, je dirais. Sauf que cette fois-là, on ne s'est pas posé la question si C'était fou était dans la deuxième ou dans la troisième heure. C'est dans la deuxième heure. En fin de deuxième heure. Ben non, c'est dans la troisième. Ben non, dans la troisième heure, on voulait avoir du temps pour pouvoir revenir en arrière. Ça va pas? Bon, je pense qu'il va falloir qu'on s'en reparle. Ouais, je pensais que c'était clair. Ce n'est pas, tu vas voir. Tu vas voir tantôt, ce n'est pas. Ça l'est pas du tout. Tu vois, on n'avait rien à dire, puis finalement, on se mêle dans nos propos. Donc, position numéro 15, anglophone, ça descend de une, Trent Muller avec Gravity. Et du côté francophone, c'est sa troisième semaine, c'est Chérie, je jappe de Massicotte. Au palmarès, c'est fou. Une émission qui sait pas où elle s'en va, à part le fait qu'on s'en va jusqu'au numéro 1. Toujours bien ça. C'est clair. L'AGE UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. Quentin Moller descend d'une place en 15e anglophone avec la pièce Gravity. Et du côté francophone, ça descend de 8 places. C'était Chérie Jojave de Mascotte. On saute par-dessus les 14e. En anglo, c'est Sebastian Granger et Going With You. Alors qu'on saute par-dessus David et les Bois et sa pièce Scaphandre du côté francophone. On vient avec un petit bloc de... On sait pas trop combien de pièces. On va faire le nombre de pièces qui rentrent dans les prochaines minutes. Donc arrêtons de parler plus tard. Il y aura June in the Fields. Oui, et Chemin de Gravel de Simon Kearney. Tout de suite? Ben oui, on y va là. Sur C'est fou! Mais on se fait la paniquer. Je sais pas, il y avait de la gravel, fait que ça fait des bosses. Ça m'excitait. Dans quel sens? Tu suranalyses vraiment. La longueur. Ouais, c'est ça. La distance? OK. On va nous construire une maison, attends-moi, ce sera pas long. Autour de moi, les gens s'effuient, moi la morale, je l'ai pas cicatrice. Je patine sur des chemins en gravel. On m'a dit que t'es tombé du ciel. Chauve, j'oublie la peur, le Big Bang dans pompeur moteur. Les années dans le sablier, c'est avec toi que je veux couler. Oh, je patine sur des chemins en gravelle. On m'a dit que t'es tombé. To be back in the country. It seems that everything is easy. Birds are singing at the break of dawn. Maybe I should live on a farm. From this crazy world, one with a rhythm, the rhythm of the earth, one with a rhythm. It feels good to be back in the country. Sunflowers growing free. Blue jays hummingbird and windows of light. Such a feeling, the sky open wide. Far, far, far from this crazy world. One with a rhythm, the rhythm of the earth. Far, far, far from this crazy world. September breeze makes us so alive. breakfast in the field. In the morning light, oh, oh, oh, oh. September breeze. Makes it so alive. Far, far, far from this crazy world. It seems that everything is easy. Birds are singing at the break of dawn. Maybe I should live on a farm. C'est tellement calme cette chanson-là de Julian Fields que j'ai l'impression qu'on entend nos chaises bouger, qu'on entend nos micros se tasser, qu'on entend quand j'éteins et que j'allume un micro, tu sais. On entend-tu ma chaise queener? Moi, je pense que oui. Peut-être pas, c'est peut-être juste dans ma tête. C'était Judith Fields et leur pièce très, très, très, très, très calme, Back in the Country, qui monte de 5 places. Et du côté francophone, ça montait de 6, Chemin de Gravel de Simon Kearney. On saute par-dessus les 12 et 11e en anglophone. La 12e est Statue Park avec 1983 et 11e Cowpuncher et Bridesmaids, l'ancien numéro 1. Et du côté francophone, on saute par-dessus Dédompter ton chien de Rouge Pompier et par-dessus ton sac de natation de Navet Confit. On va revenir probablement à la plupart de ces pièces plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on se quitte et on revient avec la deuxième heure de l'émission, c'est la portion top 10 au Palmarès C'est fou. Restez avec nous. J'espère, oui. Quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick. C'est fou dans tes oreilles, 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 3 au 9 février 2014. C'est Stéphanie Paradis. Aux dernières nouvelles, Stéphanie Paradis, oui. Lui, c'est Mathieu Plante, l'homme qui n'a pas de mémoire. L'homme qui se rappelle pas que toutes les intros de chaque heure commencent avec moi en train de dire le nom de quelqu'un, soit moi ou l'autre. Et là, soudainement, je laissais un vide total. C'est quoi le rapport avec Dominique Bichel puis Denise Filiatre? Moi et l'autre. Ah oh, non, t'as dit moi ou l'autre. Oui, c'est ça, c'est leur spin-off, leur série dérivée. Avec Vincent Vedette, le gars qui s'occupait, je pense qu'il y avait un concierge là-dedans. Ouais. Me semble que oui. Ben, c'est ça. On a écouté ça quoi? Un épisode dans vie, peut-être, en tout cas moi? Oh, non, moi j'écoutais ça, mais la deuxième version, dans le temps qu'il était vieux, pas quand il était jeune, parce qu'ils ont refait une. C'est vrai. Comme une deuxième. Un retour de. Là, je fais plein de guillemets. Oui, c'est beau, là. Mais t'es fait comme à l'anglaise, un peu, toi qui es tellement linguistique, tu devrais aller faire comme un triangle. Quick, quick. Non, j'ai fait comme tout croche, là. Okay. Je m'excuse, là. On s'en fâche des fleurs du tapis, là, genre. Ce que je préfère là-dedans, moi, c'est les mathématiques. Je trouve ça vraiment sexy. The Sexy Mathematics et The New Illusion montent de 9 places en 10e anglo. Menteur. On s'en va du côté francophone. Écoutez Mafia Douce de Pendentif. Puis ça se passe déjà, là. Clap, clap! Attends. Oh! Yeah! Hey, on est bon! Sorti du concert, goudron et plume, échappé du drugstore moderne. J'attends la cerise, le dessert. La chantilly coule dans l'ambulance. Je déambule jusqu'à la prochaine danse. Je fais partie de la mafia douce, celle qui te taxe par petites touches. Il est trop tard pour tourner danser. Je veux juste un baiser au bout de bande de sexe. Si je le suis, je sens rien faire. Au goutte à goutte, Ah, Sexy Mathematics. The New Illusion, ça monte de 9 places. C'était nouveau la semaine passée. Et ça monte de 3 du côté francophone. C'est Mafia Douce de Pendentif. Mm-hmm. Un groupe qui fit pas un groupe, plutôt un bloc qui fit plus ou moins ensemble. On aime ça des fois, les contraires qui s'attirent dans un bloc. Mais en fait, peu importe le mixte, peu importe l'agencement, on finit toujours par trouver un petit quelque chose qui fait que finalement, ça allait bien ensemble. Voilà. Hey, t'es sage tout, quand tout tu parles. Tout ça pour dire ça. Tant de mots pour dire si peu de choses, tu sais, mais c'est un... On dirait un travail d'université. C'est ça, mais sans faute. À l'écriture, c'est rare, des gens qui écrivent sans faute, on dirait. Je sais pas. On dirait qu'ils prennent n'importe quoi. Pour ce numéro 9, du côté anglophone, c'est Haim avec The Wire qui monte de 11 places et qui était nouvelle la semaine passée. Et ça monte de 3 du côté francophone. C'est quand même sa 9e semaine consécutive. C'est Adi Méchant de Jacques Mort. Et vous êtes quand même au Palmarès, c'est fou. L'émission qui est soi-disant assez consécutive avec elle-même. Elle tient dans un bloc pas de... pas conséquente avec elle-même? Peut-être. Les deux, en fait. Consécutive. Ah, c'est bon, j'aime ça. Je vais le noter, voir. Souvent, la maison vide sans tes affaires n'a pas changé depuis. relationships that go through, and I gave it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind rebel. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I to beg it, but I fumbled. And when it came down through the wire, it felt bad. It felt right. Oh, but I fumbled. And when it came down through the wire, it felt bad. It felt right. Opportunities. I try to stay true to you, and I try to do what you wanted from me. And I give it up away just to hear you say that. I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Ça monte de 11 places en 9e position anglophone. Et du côté francophone, c'était Adieu mes chats de Jacques Monde. Tout à l'heure, Montréal Carnivore et Baladeur, mais avant ça, Stéphanie! Oui, Mathieu! C'est excitant! Ah! C'est un instant classique! Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 3 février 2014. De l'info sur le grand match, le grand jeu, la grande partie, le super quelque chose. Bonjour, bienvenue à la grande émission, le beau programme, le magnifique plan. T'sais, assemblage requis, c'est ça? Oui. Oui, mais copyright. Donc, il y a juste nous qui avons le droit de dire assemblage requis. Les autres doivent dire la belle grande émission. Ah. C'est comme le Super Bowl. T'as pas vu les publicités de chips, etc., des épiceries tout à l'heure pour le grand match. Et au milieu de l'émission, Bruno Mars en spectacle. Oh, wow! Non, on peut pas se permettre Bruno Mars. Donc, on a acheté

Life Like This, c'était la formation Ballager, position numéro 8, qui monte de la 15e place. Ça fait 3 semaines que c'est là. Et du côté francophone, c'était Ton cheval est mort de Montréal Carnivore. Puis c'est tiré de l'album Jambes. Avec un reste. S. Jambes, oui, c'est bien important de le dire. Hein, il y a deux jambes. C'est pas juste une histoire d'une jambe. Là. Non, non. Parce souvent, de toute façon, une jambe tout seul, soit il n'y a plus de corps après, ou soit c'est un amputé puis c'est triste, puis ça a comme pas rapport. Non, mais on les aime. On les aime beaucoup, en fait. Les jambes en général ou les jambes amputées? Les jambes amputées. Ouais, ils sont attachants. Exactement. Ouais. Donc maintenant, avant de continuer avec nos prochaines positions, c'est-à-dire les septièmes, on est rendu à C'était fou. Et cette fois-ci, on retourne au 31 janvier 2011 avec un autre nouveau concept, encore une fois. Mais... Wolf and Cub et 7-7, ils ont pas l'air assez fous au 89.1.

shepherd. Careful, kid, no one gets hurt. You made me. C'était fou pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2011. On a entendu à toute fin The New Pornographers et My Shepherd sur l'album Together. Avant ça, Chromeo et J'ai claqué la porte sur l'album Business Casual. Et au tout début, une pièce bonus Wolf in Cove avec 7-7 sur l'album Science and Sorcery. Une pièce que j'adore énormément. C'est la première du bloc, c'était génial. Pour ceux qui se demandent, c'était la voix de qui qu'on a entendu dans le bloc C'était fou de cette semaine. C'était Stéphanie Gagné, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est mêlant. Moi, c'est Paradis. C'est Paradis, toi c'est Paradis, deux Stéphanie, ça fait bizarre. Et Alexandra Carignan, qui a déjà animé les Panoramas C'est fou, a une voix similaire à celle de Stéphanie Gagné. Donc là, je t'ai tout m'aider, qui a animé ça? Je suis allé voir, c'est bien Stéphanie Gagné, qu'on salue au passage, qui est rendue super loin de chez nous, super loin d'ici. Mais ben salut Stéphanie! Dans des radios professionnelles, donc félicitations à toi Stéphanie Gagné. Ok, ouais. Elle est payée. Ouais, genre. Donc, c'est ça, c'est le nouveau concept. Là. On change une fois de temps en temps de concept parce que, Colin, ça m'intéresse. Moi, j'aime ça faire des nouveaux concepts. Donc, je me suis dit, on va repogner un bout, un extrait de l'émission. Ben oui, c'est cool. Merci pour ces beaux montages-là, Mathieu. C'est fun. Moi, ça me touche là, quand tu fais des efforts de même. Tu trouves pas ça, genre, traître de prendre la voix de quelqu'un d'autre dans un bloc? Ben mon Dieu, non. T'es pas un petit peu possessive des palmarès C'est fou, toi? Ben, mais puis là. Mais plus là, elle est partie. Elle est plus là. Donc voilà pour C'était fou. On fait ça chaque semaine dans les palmarès C'est fou. On revient pas, en fait, parce qu'on doit couper le reste. Étant donné que le bloc était tellement long aujourd'hui, C'était fou, c'est malheureux. On laisse faire tout le reste. T'es sérieux? On va sauter par-dessus l'ancien numéro 1 francophone, tout comme on l'a fait dans la première heure avec. On l'a fait dans la première heure avec Cowpuncher. Je te laisse la chance. T'as le droit à une chanson. Tu la choisis parmi les quatre qu'on saute, d'accord? Là? Drette là, je te choisis ça. Ben, tu me le choisis, puis moi, je te le trouve dans le truc. OK, fait que c'est pas obligé d'être lancé numéro 1. Ça peut être n'importe quoi dans les quatre. Ben, on va y aller avec About, avec la pièce Build It. C'était en 12e place la semaine dernière. C'est monté en 7e, et c'est sa 3e semaine. On l'écoute tout de suite au palmarès, c'est fou. Elle est vraiment bonne. C'est vrai, ça. Don't just live alone. treasures I've been told. A gift should not be refused, 'cause life may be listening, and next time be less giving. I've been told that true love never seems to get in someone's way of fulfilling its dreams. I've been told. Trust your pas important de vous raconter ça, mais il y a encore un micro qui est tombé, fait que c'est juste bien drôle, c'est pour ça le rire. On va entendre About et la pièce Built It qui monte de la 12e à la 7e, donc 5 positions du côté francophone. C'était Monogrenade et Tes yeux, et alors c'est numéro 1 francophone. On revient dans quelques instants avec la portion top 5 de l'émission. Reste avec nous, c'est Palmarès, c'est fou. Puis Stéphanie va être là, puis elle va parler dans un micro qui va être accroché. Vas-y! OK! Il te reste 30 secondes, sors! Blague de Fort Boyard, gars. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Reste 5 secondes, sors, sors! Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, bon, attends, c'est la troisième heure, la portion top 5 des palmarès c'est fou pour la semaine du 3 au 9 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oh! Ha! Oh ha! Donkey Kong! J'ai réussi à sortir juste à temps. Juste à temps, t'es fabuleuse. Quand même une clé en main. Là, je fais le signe de 1 avec mon pouce. Il fait plus à cette heure. Mais il fait encore en France, ça l'affaire. Il faut que vous ayez écouté des versions de Fort Boyard en France. C'est comme mille fois meilleur, pour vrai, là. Mais je sais pas pourquoi tu t'obstines, là. Je veux dire, moi, c'est l'émission qui m'intéresse. L'enrobage autour m'importe peu, honnêtement. En tout cas. Portion top 5 des palmarès, c'est fou. On est rendu donc au 5e place. Du côté anglophone, c'est Seth Well et Willows qui descendent de 3. Et du côté francophone, ça monte de 15. Bonjour, tristesse, de Grenadine. Je me dis ça de même sans m'avertir avant, que ça va être triste. Je ne suis pas de celles qui reviennent. Bon, je ne suis pas issue d'un de tes mirages. J'y ai appris, je regrette. Mais moi, quand je reste, j'y pense à deux fois. Car on peut se défaire et s'enfuir. Du bout des. La main. Tu de fois, car vaut mieux se taire que de s'annoncer. C'est The Whale et Willows qui descend de 3 en 5e anglo. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Bonjour Tristesse de Grenadine qui est là pour sa deuxième semaine. Mm-hmm, c'est ce qui débutait notre troisième portion d'émission, la portion top 5. On va continuer avec les top 4 dans quelques instants. Le temps de vous dire que tout à l'heure, ce sera ailleurs dans les palmarès. Avec notre merveilleux succès, un duo explosif et a cappella. Non, pas a cappella, improvisé. Mais c'est pas a cappella. Il y a de la musique derrière. C'est comme plus a cappella, ok, le genre karaoké, mais mélangé avec la cappella, si on veut. Karaoké, oui, parce que pas vraiment de paroles. Non, affichées à l'écran. Non, c'est ça. De votre radio. À moins que vous ayez des hallucinations causées par un médicament, drogue quelconque, antibiotique, je sais pas, mais ça peut vous arriver, tu sais. On vous juge pas. Ou le gros muffin au bleuet de la cafétéria. Son Dexo, Son Dexo, t'as-tu pogné? Ils ont-ils des muffins au bleuet? Je pense que oui, je suis pas sûr. Position numéro 4, du côté, je sais qu'ils sont tellement bons parce qu'on les salue. Numéro 4, anglophone, Royal Canoe et Birthday qui montent de 6 places. Et ça monte de 6 du côté francophone. C'est déjà la 8e semaine de Le Corps est lourd. On a créé un monstre. Hey, oh! Ça a passé vite de même. De même! Claquant des doigts en criant ciseaux. Comment? En claquant des doigts et en criant ciseaux. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. En claquant des ciseaux et en criant doigts. Corps est plutôt raide et la gravité affamée. Il n'y a aucun filet en dessous de tes pas. Tu as tout ton poids. Le vide a tout son temps. Et la lourdeur de ton tourment te déshabille parfois. Le corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Le corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Quand le vent te tes pas comme un balai sur un tambour, les yeux vers le bas. Tu hallucines subitement, tu l'évites là-haut, au-dessus des moyens de tes affaires. Tu sais si bien le faire, tu sais si bien le faire. I'm you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you. But if you call it truth, then you gotta bold show, bold show, bold show, bold show. When you're open, when you're closing your eyes on your birthday, it only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. Don't you know it's a never, never, never, never, never the bone. But if you call it truth, then you gotta bold show, bold show, bold show, bold show. When you're open, when you're closing your eyes on your birthday, it only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you, it's gonna happen without you. It's not about you. Royal Canoe et Birthday, ça monte de 6 places en anglophone sur l'album Today We're Believers, c'est maintenant la quatrième. Et ça monte de 6 aussi du côté francophone, tout juste avant on a entendu On a créé un monstre et la pièce Le corps est lourd. Mm-hmm. Tantôt on va être rendu au bloc ailleurs dans les palmarès, vous savez c'est la portion de l'émission où on écoute quelque chose qui est dans les autres palmarès, hein? C'est quand même approprié, je te dirais. Mais avant ça on est rendu au troisième place en anglo, Dr. Dog et Love qui monte de 6. Ça monte aussi de 6 du côté francophone, on s'en va entendre Cœur de ciment de Mardi Noir. Moi, là, vrai gars, là, mon cœur est en ciment. Ouais, laisse faire. T'es tellement pas crédible, Mathieu Plante. Je vais encore me traiter de mauviette. Tu me fais peur quand tu me traites de mauviette. Hey, c'est toi qui l'as dit tantôt. C'est vrai. Et je cite, mauviette. C'est quand même véridique comme citation. Pas pire, hein? Pas pire. 2014, copyright. Vous êtes au palmarès, c'est fou. We'll be right back. Love de Dr. Dog et la troisième position anglophone, ça monte de 6. Et avant, du côté francophone, on a entendu Cœur de ciment de Mardi Noir, tiré de l'album Le Grand Réveil. Et avant de passer aux deuxième places, Ariel et The Pack 80, c'est le moment d'ailleurs dans les palmarès. C'est ailleurs dans les palmarès, on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 franco, un top 20 anglo, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Que dirais-tu, Mathieu, qu'on commence avec le top 30 des albums? Mais... on a deux nouvelles entrées. En 20e place, on a Mode Moderne avec l'album Occult Delight. En 19e, Yamantaka Sonic Titan avec l'album Yuzu. Ensuite, on passe aux trois premières positions. En 3e place, ça monte de 6, c'est Dr. Dog avec l'album Beer Room. En 2e place, c'est The Pack AD avec Do Not Engage. Et finalement, en 1e place, ça monte de 4. Et c'est Lederhosen, Lucille and Krista Muir avec l'album Guten Tag, Jimini. Ensuite, au top 3 des disques canadiens. En 3e place, ça monte de 7. C'est Royal Canoe avec Today We Believers. Ça fait 19 semaines que c'est là. C'est assez incroyable. En 2e place, c'est The Pack AD avec Do Not Engage. Et finalement, en 1e place, ça monte de 4. Et c'est Lederhosen, Lucille and Krista Muir avec Guten Tag, Jimini. Dans le top 10, Loud, 3 nouvelles entrées. En 10e, Cynic avec Kindly Bend to Free Us. En 6e, Monty Pittman et The Power 3. Et en 2e place, c'est nouveau. Donc, on va faire le top 3 avant. Troisième position, ça descend de une place, Hell et Curse and Chapter. En deuxième, c'est nouveau, comme je disais, Behemoth et The Satanist. Et en première, c'est Stable, The Devon Townsend Project et The Red and All Circus. Dans le top 5 musique du monde, une seule nouvelle entrée est en quatrième place, Demi C'est Nous de l'artiste Mamani Keita. On rappelle que c'est des pièces dans le top 5 musique du monde. En troisième, ça monte de 2, Camionnette, il faut juste le dire en français. Camionnette de Genesis Plus. En deuxième, c'est Stable, Eva de Angelique Kidjo featuring Assa. Et en première, c'est Stable, Nomad Slang par Ibrahim Malouf. Voilà. On va écouter un extrait, bien sûr, comme on le fait toujours dans Ailleurs dans les palmarès. Et cette fois-ci, c'est rare qu'on fait ça, mais on va aller dans le top 10 loud. Oh! Mm-hmm. On s'en va entendre la 6e position. C'est une nouvelle entrée par Monty Pittman. L'album qui est sur le palmarès est The Power of Three. On écoute la pièce Before the Morning Sun. Et là, c'est morning comme un jeu de mots. Morning comme dans quelqu'un est mort. Mourn. Donc, c'est The Morning Sun et non pas le fils du matin, le fils matinal. Donc, Monty Pittman ailleurs dans les palmarès. We'll be right back. Monty Pittman et Before the Morning Sun sur l'album The Power of Three. C'est la position numéro 6, nouvelle entrée du palmarès Top 10 Loud et c'était à... Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, rock! Et voilà pour cette semaine, c'était la portion ailleurs dans les palmarès. On retrouve évidemment tout ça chaque semaine dans les palmarès, c'est fou. Le top 10 Loud, pas au complet, mais quand même en partie, est inspiré par Rock Classic les vendredis entre 11h et 17h. Donc c'est la plug du jour. Évidemment, on remercie quand même David Ferron pour son top 5 musique du monde et on l'écoute le dimanche soir à 17h. Mais oui! Maintenant, retournons à nos palmarès. On était rendu aux positions numéro 2. Du côté anglo, c'est The Pack 80 et Big Shot qui montent de 5. Mais tout juste avant, on s'en va du côté francophone. C'est stable, c'est vice étrange d'Ariel. Mais hein, ça là, parmesan, là, c'est bon, c'est barnouche, ça. Hein? Hey Ariel, moi je pensais que c'était une sirène, mais finalement, c'est un fauve. Hein? C'est un le nom fauve? De l'album. Ah, ben oui, t'as bien raison. Et ouais, moi je préfère Ariel, ma petite sirène. C'est ma préférée dans les princesses de Disney. Fait. Ah ouais? Ben oui. C'est pas une princesse. Elle est pas considérée comme dans l'ensemble des... Fille de Disney. Y a-t-il un autre nom? Ouais, qu'elle... mais c'est pas une princesse. Non, je sais bien, mais il y a à mettre dedans, non? Mais c'est pas une princesse. Moi, je sais bien. C'est pas une princesse. Bon, Colin. Princesse de mon cœur, d'abord. Hein? Yark. C'est des palmarès, c'est fou. De dépressant, rend stimulant. Dum, dum, bon, down, down, down. Donnez-moi de quoi toffer la run. De dépressant, rend stimulant. Down, fun, fun, que de choix, au choix, cacher ce con. D'un bout à l'autre des 16 ans, le Behrman à M. Maestro me mène en rond. Au fond, les rien ni personne. De l'étang, j'en suis de fange. Top, top, pop, down. Vous êtes dans la zone 89.1. Deux. The Pacquiao et Big Shot, position numéro 2 anglophone, ça monte de 5. Et c'est stable du côté francophone, c'était Vice étrange d'Ariel. C'était pas mal plus calme que ma façon de dire les choses, ça, mais t'as bien raison. Pourquoi s'énerver de même, hein? Ouais, pourquoi tu me cries des noms par la tête? Hey! On est rendu au numéro 1 et... Colin, je pense que si tu me regardes, tu sais vers quoi je m'en vais. Moi, je te vois me regarder. Avec mes gros yeux. Ouais, d'espèce de prédatrice. Genre, tu me vois, tu vois au travers de moi. Tu vois au travers de moi comme un rayon X. Au travers X. De tout ou juste le linge? Je te conseillerais de voir au travers de tout. Comme ça, tu verras pas l'intérieur qui est en dessous de mon linge. C'est genre, on voit le genre. En tout cas. Ah, Mathieu, réveille-toi! Ouais, ben c'est ça, on me traite des fois de monstre et des fois on me traite de scientifique fou, donc c'est comme un genre de mélange, c'est comme la chimie des monstres, si on veut. C'est la blague que j'essaie d'insérer autour de ça. J'essaie de l'insérer un peu comme j'insérais un clou ou un clou, si je voulais sauver des lettres, comme des fois on sauve des lettres comme dans, tu sais, mettons, donne-moi un mot qu'on enlève une lettre ou deux, puis finalement, c'est même pas plus court tant que ça. C'est comme il y a des mots, ça bon, vite de même, je pourrais pas. C'est pas boulevard, tu sauves pas tant de lettres que ça quand tu mets BLVD. Faut que tu mettes BOUL. De toute façon, c'est en anglais, ouais. Exact. Mais bon, bref. Peut-être t'aimes mieux. Moi, j'aime mieux boule, en tout cas. J'aime mieux boule. Moi aussi, j'aime mieux les boules. J'aime mieux les boules. Comme une femme aurait, comme mettons clou pelgag. Tu vois, c'est. Fait que là, j'ai réussi à faire clou comme clou, puis pelgag comme un gag, comme une blague. Clou pelgag. Du côté anglophone, moi, je suis du genre à essayer des jeux de mots, même s'ils sont vraiment pas bons, comme la plupart de mes jeux de mots, si on veut. Je suis pas du genre à faire ma poule mouillée. De gag, tu comprends, genre? D'accord. Chicken. Comme chantait Tank Lucille sur ses disques vinyles que j'avais quand j'étais jeune, tu sais. Quand j'entends ça de même, ça. Lucille? C'était bien bizarre. Tank Lucille, t'es un petit peu bizarre. Un petit peu gelé, hein? Peut-être un petit peu. Mais bon. Donc voilà, le reste, c'est tous des mots qui n'ont aucun rapport, genre Lederhosen, comment tu veux que je fasse un jeu de mots? Oh, j'avais ça? Tellement hâte de voir où t'allais t'en aller avec où ça. Où ça allait m'amener? Where's it gonna Lederhosen? You know? Lead. T'as-tu mené. Fini? Je sais plus, là. Oui, merci. Guten Tag.

denim shoes on my feet, plain chicken on pop, trucking down the street with my helmet on my head and my shoes. Don't wanna meet the Grim Reaper when I'm riding on my bicicleta. Don't wanna meet the Grim Reaper when I'm biking down the street to meet ya. Screaming, you're the one of me, the Grim Reaper. When I'm riding on my bicicleta, the grass it always smells sweeter. When I'm biking down the street to meet ya, yeah. Me, 'cause I'm close to the tracks. C'était les positions numéro 1 de chaque côté. En anglophone, on vient entendre Lederhosen, Lucid et Kristen Muir avec Chicken and Clark qui monte de 4 places sur l'album Guten Tag Gemini. Alors que ça monte de 3 du côté francophone, c'était Rayon X de Clopelgag. Et voilà, c'est tout pour les Palmarès Info. On se retrouve la semaine prochaine en direct jeudi entre 15h et 18h. Après nous, c'est À Livre Ouvert, l'émission de littérature. On passe les vendredis soirs à 17h. Après nous, c'est les Bonnets Rouges et Sky Punk. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h, restez là pour Raconte-moi ta ville et Brancher le monde. Ça commence à partir de 16h, donc ça débute. Tout ça. Le processus est enclenché à partir de 16h. Et voilà. Voilà. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. On se quitte avec une dernière pièce qu'on a sautée précédemment. C'est la position numéro 12 anglophone. Tu veux-tu le dire? C'est un chiffre. 1983 de Statue Park. Park. Merci. Ah, bon, voilà. Travail d'équipe, man. Ah ouais, on est de même, disons. À la semaine prochaine, man. Abus de man. Yo, dude. Ombudsman. Tu sais, l'ombudsman, c'est tout le temps bizarre comme mot, mais. Hey, je sais même pas c'est quoi. Tu l'as pas à personne, là. Mais faudrait vraiment que je cherche ça. Je pense qu'il reçoit les plaintes. Penses-tu? D'électrique, là. Sur le mur, il reçoit des plaintes d'en face. Ok, bah. Ferme ton micro.